الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Frère, entrez, il y a de la place ici. Resserrez les rangs, il y a de la place derrière, il y a de la place ici aussi. Faites de la place pour vos frères, barakallahu fikum. Resserrez les rangs, faites entrer les frères. الحمد لله الذي أمد في أعمارنا لندرك هذه الأيام الفاضلة فاتقوا الله يا عباد الله واغتنموا بقية هذه العشر المباركة بالازدياد من العبادات والطاعات والقربات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم أعلم رحمني الله وإياكم أن من أفضل العبادات وأجل القربات الذبح لله رب العالمين قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله وقال تعالى فصل لربك وانحر قد قرن الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين بين الصلاة والذبح فدل ذلك على أن الذبح عبادة عظيمة من أجل العبادات وإذا كان الأمر كذلك لا يجوز الذبح لغير الله تعالى بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله فمن ذبح لله قد جاء بأعظم العبادات ومن ذبح لغير الله جاء بأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى فتقربوا إلى ربكم بذبح الأضاحي فإنها سنة النبيين الكريمين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهما الصلاة والسلام وجمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة ورأى البعض بالوجوب والواحدة تكفي الرجل وأهل بيته من زوجة وأولاد والأفضل أن يتولى ذلك الرجل بنفسه فإن لم يستطيع فليحضر ذبحه فإن لم يستطيع فليوكل من قام بهذه المهمة وليوكل ثقة وليتأكد أو ليؤكد عليه أن يذبح الأضحية بعد صلاة العيد. ومن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا تجزئ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أيضا أن تبلغ السن المشروع شرعا، المحدد شرعا، وهو 5 سنوات للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للمعز، وستة أشهر للظأن. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، رواه مسلم. ولا تجزئ الأضحية إلا إذا كانت سالمة من أربعة من العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أحمد وغيره، وهي: العرجاء البين ضلعها، أو قبل ذلك، نعم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وأما العيوب التي هي دون ذلك فتجزئ، لكن مع الكراهية، كما نص على ذلك أهل العلم. ومثال ذلك المقطوعة الأذن أو القرن، يجوز لك أن تذبحها مع الكراهية. واعلم يا عبد الله أن الأضحية كلما كانت أفضل وأطيب كان أجرك على الله أعظم. وأيضا الأضحية لا تجزئ إلا من بعد صلاة العيد، إلا من بعد صلاة العيد. ووقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، أي 14. فمن ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن انتظر إلى نهاية خطبة الإمام فذلك أحسن وأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد ثم خطب ثم ذبح، كما ثبت ذلك عند البخاري ومسلم. وعند الذبح يجب عليك أن تسمي الله، تقول بسم الله، ويسن لك أن تقول الله أكبر. هذه الأضحية قربة عظيمة إلى الله، فلا يجوز بيعها أو بيع بعضها، بل يأكل منها كما قال ربنا في كتاب الكريم: ويهدي منها ويتصدق من بعضها، ولا يعطي الجزار أجره منها. هذا ما يجوز، لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذه العبادة ليست اللحم فقط، بل تعظيم شعائر الله وتعظيم الله وذكره. وكل سنة يتكرر سؤال، وهو: هل يجوز إرسال مال إلى البلاد ليقوموا بالأضحية؟ فالجواب: نعم يجوز، كما قال أهل العلم، ولكن الأفضل أن تتولى ذلك بنفسك، أن تتولى ذلك بنفسك، لأن المقصود تعظيم شعائر الله والتقرب إليه بالذبح وذكره ومشاهدة ذلك. أيضا شرع لك أن تأكل منها، فإذا أرسلت المال إلى البلاد كيف ستأكل منها؟ إذن الأفضل والأحسن لك أن لا ترسل المال إلى البلاد بل تتولى ذلك في المكان الذي أنت فيه، وإن لم تستطع أن تذبحها تحضر ذبحها، وهذا خير عظيم. عباد الله، من أعظم الأيام يوم عرفة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الصحابة على صيام هذا اليوم وبين فضله، وقال أنه يحتسب على الله أنه يكفر به، أي بصيام هذا اليوم يوم عرفة، وهو اليوم التاسع، يكفر به السنة الماضية والآتية. وفي الخطبة السابقة أخطأت فقلت يوم النحر، ويوم النحر هو يوم العيد، يوم النحر هو يوم العيد، ويوم عرفة هو اليوم التاسع، فتراجع عن هذا. ثم بالنسبة إلى صلاة العيد، من الآداب أن تتنظف قبل الخروج، وإن دعت الحاجة للاغتسال فلا بأس وليس بواجب، وتتجمل بأحسن ما تجد من الثياب وتتطيب، ولا شك أن هذا خاص بالرجال، أما المرأة المسلمة تخرج بحجابها بحشمتها وحيائها إلى المصلى، وسنة أن تخرج بدون أن تأكل شيئا قبل الصلاة. أيضا تستكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى مما تيسر لك، وهذا إلى حضور الإمام لصلاة العيد، ثم تصلي العيد أو صلاة العيد مع الإمام، ويسن لك أن تستمع إلى الخطبة بهدوء وسكينة ووقار، ويؤدب الأولاد إلى استماع الخطبة بدون إزعاج الآخرين، ولا يصلح لك أن تتكلم في أثناء الخطبة فتزعج إخوانك والناس. فهكذا، فهذه هي آداب حضور صلاة العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا هذا اليوم العظيم على إيمان وصحة وخير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد. ومعصي الله سبحانه وتعالى celui qui nous a prêté la vie afin qu'on puisse atteindre ces 10 jours du mois du Hajj qui sont les jours où l'adoration est le plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. Il nous faut donc saisir cette occasion afin de nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous repentir de nos fautes, de nos péchés, et de redoubler d'efforts dans son adoration. Et sachez, chers frères, que parmi les actions les plus aimées auprès de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, parmi les actions qui ont été légiférées le jour du Eid, il y a le fait d'égorger une bête au nom d'Allah, pour Allah, afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans le Coran, prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Donc le fait de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Eid est une des plus grandes adorations par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah. Et sachez que c'est la sunna du prophète Ibrahim alayhi salam, lorsque Allah lui a ordonné d'égorger son fils, qu'il a eu après avoir atteint un âge avancé, Ismaïl. Et lorsqu'Ibrahim alayhi salam s'est apprêté à l'égorger, Allah tabaraka wa ta'ala lui a remplacé cela, cette lourde épreuve qu'a réussi Ibrahim alayhi salam par un bélier. C'est également la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a cessé d'accomplir cette sunnah lorsqu'il était à Médine jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Quant au jugement, Quant au jugement de cette action, la plupart des savants ont pour avis que c'est une action très recommandée, mais que ça n'est pas un acte qui est obligatoire. Et une partie des savants ont dit que c'était une obligation pour celui qui en a levé les moyens. Quoi qu'il en soit, il ne convient pas à une personne ayant les moyens de délaisser cette tradition qu'a mise en pratique notre prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort. Et une bête suffit pour toute une famille. Une bête suffit pour toute une famille. Et une question qui nous est souvent posée, celui qui vit dans une maison avec ses parents et qui lui-même marié et a des enfants, ou un groupe de frères qui vivent dans une grande maison avec leurs parents, ayant chacun son épouse et ses enfants, est-ce qu'ils ont l'obligation chacun d'acheter une bête et de l'égorger, ou bien une seule bête suffira pour la famille? Ibn Baz rahimahullah ta'ala et d'autres, comme Mada Abdel Mohsin Abed hafidahullah ta'ala, nous disent que s'ils vivent dans la même maison et qu'ils mangent de la même nourriture et qu'ils vivent dans le même endroit, alors une seule bête sera suffisante. Mais dans le cas où ils se réunissent occasionnellement, dans le cas où ils se réunissent pour l'Eid et d'autres occasions, mais que chacun a son logement, alors chacun devra acheter une bête. Dans ce cas-là, chacun devra acheter une bête. Donc si tu vis avec tes parents, même si tu es marié et que tu as des enfants, une seule bête sera suffisante pour l'ensemble de la famille. Et sache qu'il y a des conditions pour que ce sacrifice soit accepté. Premièrement, l'espèce de la bête que tu devras choisir. Tu as le choix entre les ovins, entre les bovins, entre les carpiens et d'autres. Mais tu ne peux pas choisir autre que ce qu'on appelle bahimatul an'am, les bestiaux. Donc, les ovins, c'est maza, les moutons, le bélier et autres. Les bovins, c'est les vaches, taureaux, béliers. Et tu as le droit également d'égorger une chèvre, un bouc, et tout ce qui est maza, al-ibil, les chameaux, les dromadaires. Et si tu prends une grosse bête, comme un bœuf ou un chameau, alors vous pouvez vous réunir à 7 personnes ou à 7 familles sur une seule et même bête. En dessous de cela, comme un mouton ou bien un agneau, alors pour chaque personne ou bien pour chaque famille, il faudra égorger une seule bête. La deuxième condition, c'est l'âge. C'est l'âge de la bête. En ce qui concerne Mada, les agneaux, donc les plus petits, il te faut attendre que cette bête ait atteint 6 mois. En dessous de 6 mois, tu ne peux pas la choisir pour le sacrifice. Au-dessus de cela, comme la chèvre, il te faut attendre une année. Au-dessus de cela, tu devras attendre 2 ans, comme Mada, le bœuf, la vache. Et au-dessus de cela, le chameau et autres, tu devras attendre que cette bête ait complété sa 5e année. Si tu prends une de ces bêtes et que tu ne respectes pas cet âge-là, alors ton sacrifice ne sera pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a délégué une personne ou un boucher doit s'assurer que la bête aura l'âge mada légiféré religieusement. Et souvent, on entend que des personnes prennent des bêtes, mais en dessous de l'âge qui a été fixé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas égorger une bête qui n'a pas atteint l'âge légal. C'est ce que je viens de vous citer, c'est un hadith rapporté par l'imam muslim. Une autre condition, la bête que tu veux sacrifier ne doit pas avoir 4 défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 4 défauts qui invalident le sacrifice. La bête borgne dont l'infirmité est avérée. Donc la bête, si elle est borgne et que cela est voyant, tu n'as pas le droit de l'acheter pour pouvoir la sacrifier. Et dans le cas contraire, ton sacrifice ne sera pas accepté. Le deuxième défaut qui rend invalide ce sacrifice, c'est la bête qui est boiteuse. Et Mada, celle qui boite manifestement. Troisième défaut que tu dois éviter, c'est la bête qui est malade, dont la maladie est apparente. Et le dernier défaut, c'est la bête qui est trop maigre. La bête qui est trop maigre. Mada, la bête décharnée qui n'a pas de moelle dans les os. La personne donc qui veut choisir une bête à immoler doit prendre en considération les conditions du sacrifice afin de se voir accepter son adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne les défauts qui sont autres que ces quatre que je viens de vous citer, par exemple la bête qui aurait un défaut à l'oreille ou qui aurait un bout de corne cassé, cela est valable. Mais le mieux, c'est de prendre une bête qui n'a pas ses défauts. Car plus la bête a une belle apparence et est corpulente, plus cette action ou bien plus son sacrifice te sera récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une dernière condition, c'est le temps du sacrifice. Sachez que ce temps est déterminé. Tu peux commencer à égorger la bête à partir de la fin de la prière du Eid. Mais si tu égorges avant Salat al-Eid, alors ton action ne sera pas acceptée chez Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui égorge avant la prière du Eid, sa viande sera une viande à consommer seulement. Mais il n'aura pas la récompense du sacrifice. Et celui qui agit ainsi, est-ce qu'il peut se rattraper ? Oui, celui qui agit ainsi, il peut racheter une bête et l'égorger après Salat al-Eid. Celui qui achète une bête, puis celle-ci décède avant Salat al-Eid. Celle-ci décède avant Salat al-Eid. Qu'est-ce qu'il devra faire ? S'il veut notre bête, il devra acheter notre bête et l'égorger après Salat al-Eid. Et le terme fixé, c'est le dernier jour de ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. Donc le jour du Eid, c'est le dixième jour du mois du Hajj. Ensuite, Ayyam al-Tashriq, ce sont les trois jours qui suivent. Donc le 11e, le 12e et le 13e. Tayyib, le dixième jour, après Salat al-Eid, tu peux égorger. Et les trois jours qui suivent, donc jusqu'au 14e jour, tayyib, jusqu'au 14e jour, avant Al-Maghrib, ou bien au coucher du soleil, tu peux égorger. Et ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce temps est vaste. Tu as donc 4 jours. Tu as donc 4 jours pour pouvoir égorger. Tu as le droit d'égorger de jour comme de nuit avant le coucher du soleil du dernier jour de Ayyam al-Tashriq, c'est-à-dire le 14e jour du mois du Hajj. Et lorsque tu égorges cette bête, le but n'est pas la viande. Le but, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire revivre cette sunna qui est la sunna d'Ibrahim alayhi salam, puis la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une question qui est souvent posée, avons-nous le droit d'envoyer de l'argent au pays afin que le sacrifice soit fait dans notre pays? La réponse est oui, mais le mieux est de ne pas faire cela. Le mieux est de te charger toi-même de faire le sacrifice si tu en as la capacité. Si tu ne peux pas, alors tu désignes une personne ou bien tu viens et tu assistes. Tu viens et tu assistes au sacrifice. Si tu n'en as pas la capacité, tu désignes une personne qui va sacrifier la bête pour toi et en ton nom. Aussi, parmi les choses qui ont été légiférées, c'est de manger de la bête. Parmi la sunna, le fait de manger de la bête, car Allah Azza wa Jal nous ordonne cela dans le Coran. Donc après avoir sacrifié la bête, la sunna c'est d'en manger, d'en offrir à ses proches, à sa famille et d'en donner en aumône à ceux qui sont dans le besoin et aux pauvres. Et pour conclure, chers frères, vous savez tous qu'il y aura Salat al-Eid et parmi les bienséances de la prière du Eid, avant de venir, le fait de faire une toilette, de mettre ses plus beaux vêtements, de se parfumer. Et cela, bien sûr, est propre aux hommes. Quant aux femmes, elles devront venir avec le hijab, avec le voile, couverte et remplie de pudeur. Ensuite, le fait de sortir sans avoir mangé. Contrairement au Eid, Eid al-Fitr, la sunna c'est de sortir après avoir mangé. Mais pour Eid al-Adha, celui-ci, la sunna c'est de sortir avant de manger. Yani le ventre vide. Le fait de sortir le ventre vide. De faire beaucoup de dhikr, de louer Allah Azza wa Jalla à voix haute. Et cela à partir du premier jour du mois du Hajj. Jusqu'à la venue de l'imam. Jusqu'à la venue de l'imam. Puis lorsque l'imam vient, on accomplit la prière du Eid. Et il convient d'assister au discours, d'écouter le discours en silence, sans déranger les gens. Et les enfants doivent être éduqués sur cela afin de ne pas déranger le bon déroulement de la prière ainsi que le bon déroulement de la khutbah. Et après la prière, que personne ne dérange ceux qui veulent écouter le discours. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. As'Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi. أن يسر لنا كل خير ويحفظنا وآباءنا وأمهاتنا كما أسأله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد